On va parler de hockey avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, t'es allé hier te recueillir devant le cercueil de Guy Lafleur. Comment c'était? On a vu ça un peu à la TV, mais moi, Marc, je trouve ça un petit peu ridicule de passer 5 heures à que la télévision passe 5 heures devant un cercueil, là, mais ça, quand t'es sur place, c'est une autre affaire. Comment ça s'est passé? Honnêtement, Danny, là, la dynamique était extraordinaire. Les gens étaient patients. C'est sûr que la température aide, il faisait super soleil. Le monde était dans une belle atmosphère. Fait que même si les gens attendaient, j'ai pas vu de personne se plaindre. Là, on dirait que c'était un rassemblement, puis tout le monde se jasait puis la fleur, tu comprends-tu? Fait que tout le monde a une expérience à compter, qui ont déjà croisé Guy Lafleur, qui a déjà signé un autographe, signé une casquette, signé un chandail. Fait que c'était comme qui représentait le peuple. Là, le peuple était là comme si Guy avait été là. Fait que non, honnêtement, là, même si les gens ont attendu longtemps, tout le monde était prêt à le faire, surtout que ça venait de partout au Québec. Là, c'était pas seulement de Montréal. T'as des gens du bas du fleuve, des gens de la Gaspésie, des gens de l'Outaouais. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un beau rassemblement. Ok. Comment as-tu attendu beaucoup de temps? Ben, moi, là, je suis chanceux parce que j'ai été un petit peu privilégié. Il y avait une liste des anciens coéquipiers de Guy. Fait que, passant par les loges VIP, il y avait une liste là, fait que j'ai eu le privilège de pouvoir passer par cette file-là, fait que j'ai pas attendu trop longtemps, mais quand même, j'étais à l'extérieur avant et après, là, puis on voyait le monde, puis c'était vraiment, vraiment le fun, là, de voir l'atmosphère qu'il y avait. Est-ce que tu t'as fait un peu comme on voyait à la télévision, passer 30 secondes, merci, bonsoir, ou t'as eu la chance en étant un ancien collègue d'être un peu plus longtemps que le monde ordinaire, là? Non, on a fait comme le monde ordinaire. Puis justement, quand on a coupé un petit peu, si tu veux, la file, là, tu sais, les gens étaient très respectueux. J'ai remercié les gens de me laisser là. Puis moi, ben, dans le fond, tu passes assez rapidement devant le cercueil. Mais tu sais, moi, là, ça fait longtemps, là, on parle de 1990 quand j'avais joué avec Guy. Fait que moi, j'ai dit, tu sais, c'est sûr qu'ils me reconnaîtront pas. Fait que là, il y avait Lise, la femme de Guy, sa sœur qui était là. Ensuite, c'était Martin, son fils. Puis Martin, tu sais, je l'avais croisé une couple de fois après, tu sais. Fait que j'ai juste dit, hey, salut Martin, j'ai Marc Fortier, j'ai déjà, tu sais, joué avec Guy. Puis là, Martin s'est levé tout de suite. Hey, salut Marc, Colin, merci d'être venu, c'est bien apprécié. Fait que là, il a dit à sa mère, il dit, hey man, c'est Marc. Puis, fait que j'étais content parce qu'ils m'ont reconnu quand même, malgré toutes ces années-là, même. Lise de sa femme, elle m'a reconnu, fait qu'ils m'ont remercié d'être passé. Alors, c'était vraiment chaleureux comme situation. Ok. Donc, les funérailles auront lieu demain à 11 h à Montréal. Donc, vous pourrez voir ça sur toutes les chaînes. Je pense que pas toutes les chaînes vont le présenter. Marc, on se parle aujourd'hui de Guy Lafleur, mais on va se parler aussi du bilan du Canadien. L'année est terminée maintenant, une année qui a été extrêmement difficile. De passer de la finale de la Coupe Stanley à 32e en moins d'un an, c'est quand même assez spécial. Comment tu interprètes ça? Moi, je pense que quelque part, l'équipe est meilleure quand même que la 32e place, là. Ben, l'année passée, Danny, là, l'équipe a joué mieux qu'une équipe qui était supposée se rendre en finale de la Coupe Stanley. Puis ça, ben, c'était dû en grande partie à Carey Price, qui était exceptionnel là, à partir du match numéro 5 contre Toronto. Mais d'un autre côté, c'est sûr et certain qu'il n'y avait pas une équipe qui finit 32e. Là, ça aurait dû être une équipe de milieu de peloton. Mais là, on connaît l'histoire. Price qui a été blessé plus souvent qu'à son dos. Weber qui n'a pas joué. Drouin qui a manqué une partie de la saison. Ensuite de ça, ça a mal commencé et malheureusement, ça l'a suivi pendant toute la saison. Souvent, une équipe peut mal commencer une saison, mais à un moment donné, ils vont se resserrer les coudes puis ils vont réussir à sauver leur saison. Mais dans le cas du Canadien, malheureusement, là, c'était un petit regain de vie quand Martin Saint-Louis est arrivé. Mais pas plus que ça, là. Peut-être un petit regain de vie du côté émotion. Mais on a vu après ça que le malaise était bien plus profond que seulement l'émotion, là. Et puis, ça a été une saison ordinaire. Mais, tu sais, Danny, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble. Puis, je reviens toujours à la même chose. J'ai toujours dit, comme depuis le jour numéro un, si tu veux retrouver une équipe qui va se battre pour la Coupe Stanley, tu dois passer par le repêchage et malheureusement, tu dois passer par des années de misère, de finir dernier pour avoir le premier choix au repêchage et espérer aller chercher un joueur concession comme Crosby, comme Matthews, Bédard qui comme s'en Taves, vient, comme mais là, ouais. comme Bédard qui s'en vient. Tu sais, sont malchanceux parce que c'est la mauvaise année. Là. Si ça avait été l'année prochaine, c'est sûr et certain qu'un gars comme Bedard, ça va changer la face d'une organisation. Alors, c'est un passage obligé pour devenir une équipe potentielle pour la Coupe Stanley. Et puis, on espère que ça va être bénéfique pour eux. C'est pas garanti de succès. T'as plus de chances, par contre. Ben, Buffalo et Edmonton sont la preuve vivante de ce que j'avance, là. Mais par Ben, contre, Danny, ouais. en plus de finir dernier, là, il faut que tu tombes dans une bonne cuvée. Ben oui, c'est ça. Donc, Ben, c'est pas garanti non plus, là. exact, t'as raison. Ouais, ça va dépendre du développement. Mais tu sais, je regardais ça, le Canadien, les Mayhew, pas les Mayhew, mais défensivement, Goulet, Harris, Romanov, le côté gauche est très fort, le côté droit de Barron, c'est pas mauvais. Mayhew, on ne sait pas ce que ça va faire. Tu sais, t'as Caulfield et Suzuki à l'attaque. Là, tu vas rajouter certainement un excellent joueur pareil en top 3. Donc, s'il se développe, il continue à se développer, ça peut aller assez vite la reconstruction, là. Ben, Danny, pour reconstruire la bonne façon, là, quand on parle du fameux T, là, Ouais. ça veut dire les défenseurs et les joueurs de centre. Tu sais, on s'entend que le Canadien, là, défensivement parlant, les défenseurs, là, moi, je pense qu'ils sont en business là, pour le futur. S'ils développent bien ces joueurs-là, là, on parle de 6 joueurs calibre Ligue nationale qui peuvent avoir un impact, là. Alors ça, là, je pense qu'ils sont déjà en bonne posture de ce côté-là. Puis en plus des défenseurs, Danny, là, c'est une denrée rare. Fait que quand tu réussis à avoir autant de prospects potentiels déjà là, moi je pense qu'ils sont partis du bon côté. Là maintenant, avec Suzuki Caulfield, c'est sûr que leur noyau offensif, ça part bien ta chose. Maintenant, le repêchage, tu sais quand même, admettons là qu'ils repêchent un ou deux, peu importe, là. C'est que même là, s'ils admettons qu'ils repêcheraient 3, là, ça veut dire qu'en finissant dernier, là, eux autres, ils vont avoir le premier choix de la deuxième ronde, de la troisième ronde, de la quatrième ronde. C'est des bons choix, là. Ça veut dire qu'ils vont repêcher un, deux ou trois, mais ensuite de ça, ils repêchent 33, là. Alors, 33, tu peux aller chercher un très, très bon joueur, là. Fait que, tu sais, là-dessus, là, je pense que s'ils font bien leurs choses, si leur QV, la QV est bonne, font les bons choix. Puis que l'année prochaine, c'est plate à dire, s'ils pouvaient avoir une saison de misère comme cette année, puis avoir la chance de ramasser un Bedard, bien là, dans 5-6 ans, ça devient une puissance de la ligue. Ben, c'est clair, c'est très clair, là. Ça peut même être un petit peu avant, dépendamment de ce qui s'en vient. Hey, dis-moi, Marc, on va parler avant de parler des séries, moi, je veux t'emmener. Tu connais très bien Marc Bergevin, c'est un de tes amis personnels. J'ai été un peu surpris d'apprendre, parce que moi, Marc Bergevin, c'est vraiment une bonne personne. Comme directeur général, je pense qu'on passera, là, mais comme personne, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Mais moi, je sais pas si tu as eu vent la semaine passée de ce que Réjean Tremblay avançait et également Gilbert Delhomme. Marc Bergevin, les anciens, il voulait les éloigner du Canadien. Je trouve ça un peu particulier, moi. Je sais pas comment t'as trouvé c'était vent de cette nouvelle-là, que il avait coupé le parking à Guy Lafleur. Il y avait ensuite Jean Béliveau. Il y avait eu de quoi avec Jean Béliveau aussi. Tu sais, c'est pas Brian Engblom ou Rick Nattris, c'est Jean Béliveau puis Guy Lafleur. C'est assez particulier. Comment veux-tu que les Jake Evans apprennent toute l'histoire du Canadien par la suite, là? Ben, je vais être honnête avec toi, j'ai été surpris aussi de ce commentaire-là, Danny. Moi, là, j'aimerais ça avoir la version à Marc. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, là, Annie, là, moi, je sais que pour l'avoir vécu juste à Québec, là, la pression des médias pour s'accaparer le vestiaire puis rentrer là comme si c'était ouvert à tout le monde. Moi, je n'ai déjà vu là, des journalistes essayer de un petit peu là, d'ambitionner sur leurs privilèges qu'ils ont. Ouais. Mais j'aimerais ça. Moi, je prends la situation de Marc qui voulait protéger le vestiaire un petit peu. Ça, je peux vivre avec ça. Le côté des anciens, ça, je suis surpris, honnêtement. Puis si c'est le cas, là, ça va avoir été vraiment une mauvaise décision de la part de Marc. Ben, cool. Mais j'aimerais ça quand même, tu sais, que quelqu'un puisse interviewer Marc, de donner sa version des faits, de la façon que lui, comment il en est venu à cette décision-là, si c'est le cas. D'avoir barré un Guy Lafleur, mais à mon avis, ça se fait pas, là. Mm. Fait que c'est pour ça que je sais pas qu'il est blanc, là, sur neige, dans cette décision-là, mais je suis surpris, puis si vraiment, il a vraiment pris cette décision-là, à mon avis, c'était une mauvaise décision. Ben, regarde, parce que, tu sais, Jake Evans savait même pas la... Tu sais, je comprends à qui je parlais de ça la semaine passée. Je me rappelle plus, je sais pas si je n'ai parlé en dehors des ondes ou non. Marc, t'en fréquentes des jeunes, on sait là, que c'est plus pareil, puis la fierté du Canadien. C'est Eric Wood qui me disait ça en ondes. Puis Eric Wood disait, ouais, mais c'est plus comme c'était, les jeunes, la fierté de porter le chandail du Canadien. Puis ça, j'ajoute ça, c'est vrai. Puis moi-même, je serais un joueur d'hockey, je serais joueur autonome, puis je voudrais pas signer à Montréal. Il y a bien d'autres places. Par contre, ceux-là qui sont à Montréal, qui ont été repêchés par le Canadien, d'apprendre l'histoire du Canadien, que c'est, le Canadien c'est pas les Yankees, c'est pas les Blue Jackets de Columbus, là, d'apprendre tout ce que ça représente porter le chandail du Canadien. Je pense que si t'es loin de Guy Lafleur pis t'es loin de Jean Béliveau, ben c'est pas même que tu vas réussir à inculquer ça, la fierté, là. Ben, je vais dire qu'une affaire, Danny. Ouais. Si Jack Evans là, connaissait pas Guy Lafleur avant d'arriver avec le Canadien, là, le problème c'est pas Marc Bergevin, là. Ouais. Tu sais, je peux pas dire, moi je connaissais pas Guy Lafleur. Ben, je m'excuse, là, si tu connaissais pas Guy Lafleur, c'est parce que tu veux pas l'hockey, là. Mm. Parce que là, ça n'a rien à voir avec Guy Lafleur. Il s'est fait enlever son stationnement, fait que je sais pas c'est qui Guy Lafleur, là. Mm. Hey, moi, là, je connais pas l'éloigné, puis ouais. Ben, l'éloigné, c'est correct. Ça, c'est correct de dire, j'aurais aimé ça qu'il soit à l'entour du vestiaire de l'équipe. Ça, j'ai aucun problème avec ça, puis il aurait raison. Mais tu sais, là, des photos là, de Guy Lafleur, il y en a partout tapissées dans le centre belle, puis probablement dans le couloir qui mène au vestiaire, puis probablement dans le vestiaire, il y en a en masse des photos, puis des, du passé des glorieux, là. Mm. Fait que si Jack Evans a dit qu'il connaissait pas Guy Lafleur, moi, je pense que ça n'a rien à voir avec quand il a mis le pied au centre belle, là. Ça a à voir avec son passé, là. Mais ceci étant dit, tu as raison que la fierté d'une organisation, ça passe par le passé. C'est eux autres qui ont été les pionniers de cette organisation-là. C'est eux autres qui ont été des ambassadeurs pour le club. Les 25 Coupes Stanley se sont pas gagnées dans les dernières années, là. Ouais. Puis ça, il faut toujours respecter le passé. Puis pas juste dans le hockey, puis pas juste dans le sport. Dans n'importe quelle entreprise, ouais. Danny, t'arrives à quelque part, même toi qui fais de la radio, il y a quelqu'un avant, regarde Jeff Fillion qui vient de finir vendredi là, son passage avec Radio X. Tu peux pas mettre une croix sur Jeff Fillion et dire qu'il n'existe plus ce gars-là. C'était un pionnier pour cette radio-là. S'ils sont devenus qui ils sont aujourd'hui, c'est à cause de gars comme lui. Alors, moi, je suis pour respecter le passé, ça, c'est sûr et certain. OK. Marc, en terminant, les séries éliminatoires débutent ce soir. Il y a des grandes séries. Quand tu dis que les 8 équipes ont 100 points et plus, c'est assez extraordinaire. C'est assez spécial. Là. Quelle série? Ben, moi, c'est sûr que je vais suivre les Penguins de Pittsburgh. Ça a toujours été mon équipe après le Canadien à cause de Mario Lemieux, depuis Mario Lemieux. Donc, c'est sûr, moi, je suis ça. Et l'Avalanche, parce que Samuel Girard vient d'ici. Mais il y a de bonnes séries éliminatoires. Il y a d'excellentes séries éliminatoires. Là. Hein? C'est ça incroyable. Va être incroyable, Danny. Les 8 équipes, là, admettons, tu dis dans l'Est, là, si 8 bat 1, là, tu tombes pas en bas de ta chaise, là, non, Danny, non. Là, parce que 8 est aussi bon que 1. Là. Tu sais, dans 6, 7, 8, là, tu parles de Rangers, Pittsburgh, Washington, ces équipes-là, tu peux pas donner une chance à cette équipe-là de gagner. Là. Moi, là, les équipes qui me font peur, de partir en première ronde, moi, ça va être des équipes comme Toronto, qui n'ont pas encore l'expérience de gagner, qui n'ont peut-être pas les munitions dans les buts pour se rendre loin. Même la Caroline, ils font peur de peut-être pas être capable de passer la première ronde parce que, à mon avis, ils n'ont pas une équipe de série comme de saison régulière. Edmonton qui vont affronter Los Angeles. Los Angeles, là, tu vas jouer. Tu sais, on s'entend qu'à chaque fois que McDavid va être sur la glace, là, tu vas avoir soit Kopitar ou soit Dano. Ouais. Alors, ces gars-là sont capables de neutraliser le meilleur joueur pendant une série de ces matchs-là. Ça fait qu'il pourrait y avoir des surprises en première ronde, Danny, c'est sûr et certain, parce que il y a trop de bonnes équipes et il y a trop de parité dans la ligue maintenant. Ah, j'ai hâte de voir, en tout cas, ça va être très intéressant. Marc, très intéressant, bonne route pour le retour à Québec, on s'en parle bientôt. Merci. Collaborateur Marc Fortier.